Équateur, simultané sur RMK 42. Saint-Étienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et on continue de plus belle avec le rock'n'roll et dans une petite demi-heure, un trois quarts peut-être, nous passerons au disco. Mais pour l'instant, on continue le rock'n'roll. Is impossible to keep. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor land is impossible to keep. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor land. Muchacha de aquí, ¿saben? Y arriba,

Destination folie. Destination folie.

à l'Assemblée le mercredi. Député, député, député, député, député, député. C'est pas joli, joli de manquer de respect, mais c'est pas nous qu'a commencé. Député, député, député, député, député, député. C'est pas joli, joli de manquer de respect, mais c'est pas nous qu'a commencé. On a donné le bâton pour bien se faire battre aussi. Mais j'ai comme l'impression que ce bâton, ils nous l'ont mis dans cet endroit du corps sur lequel ils sont assis à l'Assemblée le mercredi. Ils diront que ma chanson est une insulte au pays, qu'une pareille agression, ça devrait être puni. S'ils me mettent en prison, je m'y ferai bien plus d'amis qu'à l'Assemblée le mercredi. Député, député, député, député. C'est pas joli, joli de manquer de respect, mais c'est pas nous qu'a commencé. Député, député, député, député, député, député. C'est pas joli, joli de manquer de respect, mais c'est pas nous qu'a commencé. Joli de manquer de respect, mais c'est pas nous qu'a commencé. C'est pas joli, joli de manquer de respect, mais c'est pas nous qu'a commencé. Destination folie. Destination folie. Elle aime le curé du village. Elle aime le cul, elle aime le cul. Elle aime le curé, mais il est trop sage. En attendant, elle se fait sauter les pommes de terre, les pommes de terre. En attendant, elle se fait sauter les lardons, s'il n'y a que ça pour la distraire. En attendant, elle se fait tirer les cartes par une amie très chère. En attendant, elle se fait bourrer de tranquillité pour calmer ses nerfs. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que c'est triste, ce qu'elle voudrait surtout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que c'est triste, c'est qu'il la prenne par le cou. Par le cou. Elle aime le cul, elle aime le cul. Elle aime le curé du village. Elle aime le cul, elle aime le cul. Elle aime le curé, mais il est trop sage. En attendant, elle se fait ramener la cheminée, parce qu'elle est pleine de suie. En attendant, elle se fait enfiler des pulls pas chers qu'elle achète à Monoprix. En attendant, elle se fait monter par la concierge des commissions. En attendant, elle s'est fait baiser comme tout le monde aux dernières élections. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que c'est triste, ce qu'elle voudrait surtout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, que c'est triste, c'est qu'il la prenne par le cou, par le cou. Et envoyez ma joie. Il est trop sage. En attendant, elle se fait limer les dents du tronc pour avoir un sourire plus doux. En attendant, elle se fait pénétrer par la parole de Dieu dont elle est à genoux. En attendant, tous les matins, elle suce de la réglisse pour avoir bonne haleine. Et tous les soirs, caresse, mais un doigt en plus, un doigt de Porto pour y noyer sa belle. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, qu'est-ce c'est triste, ce qu'elle voudrait surtout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, qu'est-ce c'est triste, c'est qu'il la prenne par le cou. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, qu'est-ce c'est triste, ce qu'elle voudrait surtout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, qu'est-ce c'est triste, c'est qu'il la prenne par le cou. Par le cou. Et on renvoie une majorette. Destination folie! Destination folie! Destination folie! Ma petite Nini, c'est pour toi! Et maintenant, un petit crochet vers les années 60. Un pour Elvis de la même époque. On se traîne où son solace. Pour perdre les kilos superflus, c'est bien mieux qu'un régime. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a fait tous les régimes. Elle rentre plus dans son jean. Elle m'a dit, mon bon monsieur, dites-moi ce qu'il y a de mieux. Souviens-toi de Joséphine, la star taille fine. Sa fragile silhouette, elle se le fait, c'est tout bête. Oh, le mur, le popopo, le popotin. Il y a le calor sans t'apprendre à prendre ses mains. On peut les tam-tam, c'est le remède, madame. Pourquoi tu dis comment perdre les kilos sans ne boire que de l'eau en s'arrêtant quand même de petits trucs à la crème. Elle en a marre de sucre, elle ne supporte plus la diète. Elle m'a dit, mon bon monsieur, dites-moi ce qu'il y a de mieux. Souviens-toi de Caroline, la star, la taille fine. Sa fragile silhouette, elle se le fait aussi tout bête. En remuant le popopo, le popote, il y a le canon sans tapant, tapant dans ses mains. Entre les tam-tams, c'est le remède, madame. Popo, Philippe, popopo, hippopotame. En remuant le popopo, le popote, il y a le canon sans tapant, tapant dans ses mains. Entre les tam-tams, c'est le remède, madame. Popo, Philippe, popopo, hippopotame. Sans jeter les chocolats, les bonbons et les babas. Elle a mis sur le frigo un cabelas d'un kilo. Elle m'a dit, mon bon monsieur, dites-moi ce qu'il y a de mieux. Souviens-toi de Marilyn, la star, la taille fine. Sa fragile silhouette, elle se le fait de ses tout bêtes. En remuant le popopo, le popote, il y a un canon sans tapant, tapant dans ses mains. Popotam, son capote pour la sémane. Oh, il peut l'étape, c'est le mauvais galant. Pour ta fille, pour ta foi, pour ta maman. Lui, on ne peut pas la faire porter. Hier, j'ai là son capote pour la sémane. Oh, il peut l'étape, c'est le mauvais galant. Pour ta fille, pour ta foi, pour ta maman. Destination folie. Destination folie. Destination, destination folie. De partir n'importe où, pas de suivre un sou, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre vie de la vie, les passants dans la rue. Destination folie. Destination folie. Il nous reste 20 minutes, alors continuons destination folie. Quand même pas passé dit toute la vie à attendre d'être tout vieux, tout mou, cassé pour profiter vraiment de tout ce qui est bon, qui fait plaisir, de tous les moments tendres. Si on arrêtait la pendule, si on prenait le temps, à quoi ça sert de perdre sa vie à vouloir la gagner? À quoi ça sert d'attendre la fin pour bien en profiter? On avait une petite heure, on est parti à deux, pour se donner un peu de bonheur, un peu de chaleur, en amoureux, parce qu'on est bien, bien, bien, sous de la couette, à se faire des câlins, des mamours, des bisous, parce que c'est bien, bien, bien, de se faire la fête, quand toute la rue s'agite et se prend la tête, tout autour de nous, on va quand même pas passer dit tout le temps qui nous reste, à ne penser qu'à travailler, qu'à être les premiers. Tous ces fous, tous ces malades qui font jamais la sieste. Y'a pas de podium, y'a pas de médaille au jugement dernier. Y'a pas que la nuit qu'on peut rêver, y'a pas que les comptes courants. Y'a aussi les comptes de fées, le plaisir du moment. On avait une petite heure, on est parti à deux. Pour se donner un peu de bonheur, un peu de chaleur. En amoureux, parce qu'on est bien, bien, bien, au-dessous de la couette, à se faire des câlins, de maman des bisous, parce que c'est bien, bien, bien, de se faire la fête, quand toute la rue s'agite et se prend la tête, tout autour de nous, parce qu'on est bien, bien, bien, au-dessous de la couette, à se faire des câlins, de maman des bisous. Parce que c'est bien, bien, bien de se faire la fête, quand toute la rue s'agite et se prend la tête, tout autour de nous. Allez, allez. À se faire des câlins, des mamans, des bisous, parce que c'est bien, bien, bien de se faire la fête, quand toute la rue s'agite et se prend la tête, tout autour de nous, parce qu'on est bien, bien, bien au-dessous de la couette, à se faire des câlins, des mamans, des bisous, parce que c'est bien, bien, bien de se faire la fête, quand toute la rue s'agite et se prend la tête. Destination folie. Destination folie. Coller, coller, coller, coller, tout coller. Et on ne quitte pas la piste. On se serre les uns contre les autres. Et quand je dis serré, c'est très serré, je veux dire coller, tout coller. Thank you. Stop! ce soir, on va finir à poil. On a fini à poil ce soir, on a fini à poil. On a fini à poil ce soir, on a fini à poil. On a fini à poil ce soir, on a fini à poil. Destination folie. Destination folie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Thank you. destination folie. Allez, petite dernière pour la route, occupe-toi de tes fesses. Et allez. Allez. Tu guettes à la fenêtre le moindre de mes gestes. Tu regardes chez moi qui s'en vient, qui s'en va. Et tu comptes mes poules. Tu n'aimes pas mon chien. Et quand je joue aux boules, tu dis que je fous rien. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du nez. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du mien. Et si le mien a eu des aventures, c'est parce qu'il est bien plus joli que ta figure. Et si le mien a vu les paysages, c'est parce qu'il est bien plus fini que ton visage. Tu barbes sur les femmes qui passent dans mon lit. C'est infâme, que c'est pas une vie. Et quand je vois la tienne et la gueule qu'elle a, je comprends que ma chienne la mord à chaque fois. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du nez. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du mien. Et si le mien a eu des aventures, c'est parce qu'il est bien plus joli que ta figure. Et si le mien a vu les paysages, c'est parce qu'il est bien plus fini que ton visage. Tout ce que tu espionnes, tu le cries sur les toits. Tu pardonnes à personne de vivre mieux que toi. Et moi c'est mon bonheur quand tu pètes ta gueule d'aller faire à plusieurs ce que tu. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du mien. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du mien. Cette chanson, je l'ai dédicacée à tous ceux qui viennent te coller la banane. Cette chanson, tu pourras la laisser sur le répondeur de tous ceux qui t'emboucanent. Laissez votre message après le bip sonore. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du mien. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Occupe-toi de ton cul et pas du mien. J'espère que vous avez passé une nuit absolument fantastique. Fantastique. C'est définitivement la fin, des décibels. Décibels. Dommage, dommage. Et pour vous remercier, nous allons mettre une petite dernière Grazie mille. Uno, due, tre. Pour le vin, les tagliatelles, attrapons-nous la main pour danser la tarentelle. Attrapons-nous la main pour danser la tarentelle. Ya la la la la la la la. Ya la la la la la la la. Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et toute la musique. Ya la la la la la la la. Ya la la la la la la. Saint-Étienne, je vous remercie, je vous fais plein de petits bisous, je vous dis encore merci pour les cadeaux que vous m'avez envoyés par dizaines, et merci pour les mails et les vœux. À bientôt sur RMK42, bisous, bisous, bisous, bye bye. C'est complètement et totalement fini. Alors je ne dirai qu'un seul mot, stop. sais plus. Putain de nom de Dieu de merde. C'est pas possible. Mais... comédie. Qu'il n'y avait pas grand chose dedans. Sinon, ça aurait été pareil. Dieu de merde. Ça me casse les couilles, hein. Ça me casse les couilles. Bon. C'est un nouveau film, ça. Première chose à faire. casse les couilles, hein. Pas travailler, hein.